le rassemblement du ministère des Forces armées populaires consacré au 69e anniversaire du développement de l'armée révolutionnaire populaire coréenne en Forces armées révolutionnaires régulières par le président Kim Il-sung a eu lieu le 7 février. Y ont pris part le sous-maréchal Fang Byung-soo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, les commandants et les militaires de l'armée populaire de Corée. Fang Byung-soo a prononcé le rapport. Voici le résumé. Le développement de l'armée révolutionnaire populaire coréenne en force régulière est la brillante victoire de l'idée et de la ligne avancée par le président Kim Il-sung sur la base des immortelles idées du Juche et de l'idée de Sun-gun en matière d'édification des forces régulières. Le général Kim Jong-il a présenté la transformation de toute l'armée selon le Kim Il-sungisme comme la tâche globale de l'édification de l'armée et a formé l'armée populaire en celle du leader et du parti. Par sa direction dynamique et avec la volonté immuable de faire de l'armée populaire fortifiée par Kim Il-sung et Kim Jong-il, la puissance de ces deux éminents leaders, le commandant suprême Kim Jong-un a fait honneur toujours à leurs exploits accomplis dans l'édification de l'armée.